quand les bras qui font un cyclone, ça détonne. Un vrai soldat qui sortit de Guada, regardez qui genre la ville à bad. Bad, bad, bad, mon gars fait la masse comme un caillot en yo compte. De tout ça, en ça que moi fait le mal. Mon gars fait du tout, de tout ça que moi fait là. Ma gars s'y fout pas d'eau, man. Ma gars s'y fout pas d'eau, gars. Oh bon Dieu, bah nous force. Pour nous dériver. Pas jamais ça qui tant que nous même qu'est parti. Si vous voulez profiter, mais si allez pour péfeuille. Oh bon Dieu, pas nous force. Pour nous contrôler nous. Si vous savez que vous même pas qu'à gérer. Pas peine lancer de bon fucking fucking fucking histoire. Les coups de vie dégagent, c'est la gaieté. A de vie à nous. Non pas qu'un mal va s'ablanger. Ou obligé pour me. Vivez, tribuchez, ou lever. Pas si mal, hamdoulay, quoi qu'il se passe. On digère mal quand on prend la vérité en pleine face. Où ça passe, où ça casse, on sait que la vérité blesse. Trop tendance à s'enfermer dans notre carapace. On n'a pas les paysages comme à Caracas. En tout cas, on gère des terres comme Sahab et Haraga. C'est comme d'avancer pieds nus dans les marécages. Et au final, tu finis par courir à l'aise dans le sable. Rimka te l'a dit, on se bat plus à notre âge. Ça sort les armes, enfin bref, tu connais les drames. L'évolution de l'homme, on n'est plus au Moyen-Âge. Dans une course de fond, tu croiseras toujours des dérapages. C'est pas plus mal, dans nos races y'a la race. Continue combat en première ligne, reste efficace. Comme sergent se relève, sarc ou un gros serpent. Tout va bien, un boulet, j'ai tarc à aux lèvres. Les coudris des gars, c'est la gaieté. A de vie à nous. Non pas qu'un ou mal va s'ablanger. Ou obligé boumer. Viennez, tribucher ou lever. Ou obligé boumer. Oui, y'a des gens que t'aimes et t'as pas les mots pour le dire. Non, c'est des fois forains de plus qu'une bise, un sourire. C'est que tu dois en bas avec, tu dois souffrir. Avant que les portes du paradis puissent à toi s'ouvrir. Quand ça te sert passer ton temps à courir. Prends le temps de respirer avant ton dernier soupir. Tu t'efforces d'effacer un passé pourri. Cherche pas, y'a que le temps qu'efface les souvenirs. Tous les hommes pleurent, ouais gros fais pas style. Non, tout le monde s'est déjà demandé un jour, mais que se passe-t-il. Des fois c'est casse-tête, des fois c'est le bad trip. Des fois c'est le crash test, on fonce tout droit au casse-pipe. La vie t'envoie des messages, mais tu sais pas les lire. Tu sais écrire des belles phrases, mais tu sais pas les dire. On n'a pas des vies faciles, mais on n'a pas les pires. À quoi ça sert le bon moment si tu sais pas les vivre. Les coups de vie des gars, c'est la gaieté. À la vie à nous. Le vrai qu'est ou mal va s'ablanger. Ou obligé gourmet. Vivre, tribucher ou lever. Ou obligé gourmet. Pas la gaieté, continuer, effacer. Ça qui a l'esprit. Heureusement qu'on trouve encore l'amour d'un père ou d'une mère. Que l'espoir n'est pas mort, même si souvent ils sommeillent. Même si beaucoup sont incompris, que le chemin est incomplet. Ce qu'on ressent n'a pas de prix. Aucun moment ne peut se copier. Sache qu'il faut croquer dans la vie le sentiment du partage. Sans ça tu sentirais chic. On mène tous sa bataille chaque matin quand on se lève. Pour que tes gamins graillent. Ou pour toi c'est pareil. Je reprendrai l'expression qu'il n'y a pas de sous-métier. Défendre sa position en gros sans se laisser aller. La vie est belle, c'est l'âme de l'homme qui ne l'est pas. Et c'est perpétuel. Qui ne le sait pas, alors on se tourne les pouces. En se disant c'est pas si mal, en attendant que le monde bouge. Lui qui est en phase terminale, arrête de prier. Quand tout va mal, remercie-le. Quand tout va bien, ouvre les yeux. Tu verras, c'est pas si mal. Les coups de vie des gars, c'est la gaieté. A la vie à nous. Non pas qu'un ou mal va s'ablanger. Ou obligé gourmet. Vivez, tribuchez ou lever. Ou obligé gourmet. Pas la gaieté, continuez, effacez. J'avoue, c'est peut-être pas demain que je ferai péter un merco de rien. On part, mais Hamdo, on se démerde, gros. Même si je sais que le destin me réserve des traquenards, je suis hâte, haché marre, au moins j'ai des sapes et des papes. On veut le rêve ricain, des choses en grand finir friquées, c'est compliqué en tant qu'immigré africain. Hey, même si ça passe souvent, je suis rire aux larmes, je sais que tout n'est pas si mal, ma vie n'est pas un mélodrame, man. Je sais qu'il y a pire grave, que tout n'est pas horrible, on s'arme. Et sache que le bonheur en fait n'est que théorique. J'étais élevé au riz, mais chaque jour je me mets au riz. La vie est belle, speed dark. Comme une météorite. Regarde nos racines. Regarde. Nos origines sont pas latines. On rappe surtout ne critique pas la team zine. Ne crois pas qu'on tapine. Arrête de dire qu'on patine. L'objectif n'est pas de faire disque platine zine. Calme-toi.